Merry Christmas, Studek Web. Il est 15h sur Studek Web, bienvenue. Studek Web, les infos. Le résumé de l'actualité en 2 minutes 30 par Chloé Julien. Bonjour Chloé. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'actualité, le président Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux Français. Parmi les mesures annoncées, l'augmentation du SMIC de 100 euros dès janvier, le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires, supprimée lors du mandat précédent de François Hollande, et une prime de fin d'année défiscalisée. La hausse de la CSG est annulée pour les retraités gagnant moins de 2 000 euros par mois. Il a également annoncé qu'il n'y aurait pas de retour à l'ISF et qu'il voulait mettre fin aux avantages de l'évasion fiscale visant notamment les GAFA. 21 millions de Français ont assisté en direct à l'allocution d'Emmanuel Macron. Un discours qui divise dans la sphère politique, François Bayrou, président du Modem, a salué un changement d'époque et un nouvel acte qui s'ouvre. Éric Woerth, pour les Républicains, a lui invité les Gilets jaunes à, je cite, « lever le camp et reprendre la vie ». Du côté des Insoumis, la satisfaction n'est pas au rendez-vous puisque Jean-Luc Mélenchon a affirmé « les paroles prononcées par le président sont vaines ». À noter que les députés socialistes, insoumis et communistes déposent aujourd'hui une motion de censure à l'encontre du gouvernement pour leur gestion de la crise des Gilets jaunes. Les blocages des lycées continuent. Le syndicat des lycéens, l'UNL, a appelé un mardi noir aujourd'hui. Près de 170 établissements sont perturbés et une soixantaine bloqués selon les chiffres de l'Éducation nationale. Et suite aux manifestations des lycéens qui perdurent depuis la semaine dernière, un lycéen de 15 ans, gravement blessé à l'œil jeudi dernier par un tir de grenade lacrymogène, après un affrontement entre lycéens et policiers, a décidé de porter plainte. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, a été ouverte. Selon une source policière jointe par l'AFP, aucune faute n'aurait pour le moment été relevée côté policier. Et la première ministre britannique Theresa May est arrivée cet après-midi à Bruxelles dans le but de trouver un compromis pour le Brexit. Le Parlement britannique ayant refusé de ratifier le précédent texte sur le Brexit proposé par le Parlement européen, il refuse le système de backstop, solution controversée qui prévoit de créer un territoire douanier unique, avec notamment l'installation d'une frontière physique en Irlande du Nord. Et côté météo, un temps plutôt dégagé sur la plupart des pays avec des températures en baisse, le ciel reste tout de même voilé sur la moitié nord. Attention à des risques de brouillard des pays de la Loire à la région Occitanie. Les températures de cet après-midi iront de moins 1 à 10 degrés. Il fera 4 degrés à Lyon, 9 à Brest et Biarritz et 10 à Nice. Merci Chloé, retour de l'actualité dans moins d'une demi-heure. Studek Borderline. Au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Studek Web. Oh, qu'est-ce qu'il est bon générique. Bonjour à tous, bienvenue sur Studek Web dans Studek Borderline. Je m'appelle Thomas, de 15h jusqu'à 16h, il n'y a plus aucune limite. Bon, les seules choses limitées ici, c'est Lucas et moi. Salut Lucas. Salut Thomas, salut tout le monde. Heureusement, Anaëlle, t'es là pour relever le niveau. Salut Anaëlle. Salut, ça va? Donc Anaëlle, toi, t'as un petit coup de gueule contre ta merci famille. Merci pour toi. Ta réponse. Oui, pardon, ça va, je vais bien. Super. Donc t'as un petit coup de gueule contre ta famille, apparemment. Exactement. Bon, comme je, souvent. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans Studek Borderline, on repousse tellement les limites qu'on a décidé de faire un petit caprice de star avec pas un, mais deux invités. On a malheureusement eu un souci. On vous l'avait promis, mais voilà. Greg et Justine du Morning d'RTL 2 n'ont pas pu venir avec nous. Ils ont eu un empêchement de dernière minute, les risques du métier. Mais on a trouvé une solution. On a réussi à trouver deux mecs talentueux et jeunes. Maxime Deschac. Exactement. Pour Max, pour les intimes. Sans faute. Salut Max. Salut. Et Jonathan O'Donnell. Salut. Bien le bonjour. Salut. On vous retrouve tous les matins donc dans le Morning d'RTL 2 qui s'appelle donc le double expresso RTL 2. Maxime en tant que community manager. Ouais, bon yes. Accent, bravo. Je sais. Et Jonathan, l'humoriste du Morning. C'est ça. C'est ça, magnifique. Anaëlle, tu vas nous présenter Max en quelques mots, c'est à toi. Mais bien sûr. Alors Max a 34 ans et en tant qu'homme viril et musclé, il s'est naturellement engagé dans les forces de l'ordre après son bac. Puis il a décidé de tout plaquer il y a 4 ans pour faire des blagues à la radio et participer à des concours de pull moche. Exactement. C'est pas mal comme résumé. C'est un très bon résumé rapide. Super. Bravo. Lucas, à ton tour, présente-nous Jonathan. Jonathan, tu as 32 ans. C'est ça. Tu es un jeune cadre dynamique diplômé d'un DUT en gestion et d'une école de commerce. Tu avais toutes les cartes en main pour réussir dans ta vie, mais tu as décidé de venir à Paris et faire de l'humour et de la radio. Exactement. On en saura bien plus sur vous dans quelques instants, mais avant ça, nous allons nous présenter rapidement. Donc Lucas, il s'est présent en jaune, un pull un peu spécial, 19 ans, très mais 5 ans d'âge mental. Sorti à la coupe. C'est un homme qui n'hésite pas justement à mettre à disposition ses cheveux pour tester des choses. Je teste, je suis quelqu'un qui teste. C'est bien, il faut. Lucas. Anaëlle Aka Fabinocle, 20 ans, une jeune vidéaste talentueuse au chignon en pagaille et à la nouveau talent tel qu'imiter Fabienne Lepic. C'est vrai. Allez, et qui est Fabienne Lepic? Et ça donne quoi alors? En fait, tu connais Fabienne Lepic? Non. C'est dans Fais pas ci, fais pas ça. Ouais, non, mais je suis tu vois, quand elle regarde pas, du coup, ça fait souvent un bide. Ah bah oui, du coup. Bon, fais-le, bah, du coup... fais-le. Oh non, non, non, non. Ah, c'est génial. Voilà, voilà. Comme tu connais, t'es mort de rire. Exactement. C'est excellent. Lol. Et Thomas, 20 ans, n'hésite pas à mettre sa vie en péril lors de ses rallyes de motocross, mais il écoute également en boucle le dernier single de Jennifer. Bon. C'est tout moi. Ah. J'adore. Notre idylle. J'adore. Oui, c'est ça. C'est ça. Un programme rempli donc avec un Le saviez-vous, un sondage sur les téléphones, le coup de gueule d'Anaël et même notre jeu des poupées russes où c'est à vous de participer pour tenter de gagner un pack Studek Web avec la visite des studios de la radio. Je vous en parle très vite, alors restez là. On peut jouer ou pas? Non, toi t'es notre invité, ne gâche pas tout. Ok, pardon. Studek Borderline, c'est aussi l'appel Studek Web. Il y a du Youssoupha, du Jen, The Eagles qui arrivent très vite. Mais avant ça, on va essayer d'en savoir plus sur nos deux invités. Tout à fait. Lucas, je te laisse présenter Jonathan. Alors, on va voir si je te connais bien et si j'ai bien fait mon taf. On va voir. Avant de faire de la radio et de la scène, Jonathan, tu étais recruteur en ressources humaines. C'est ça. C'est vachement moins fun, mais beaucoup plus safe. Et tu as préféré privilégier le fun à la sécurité et tout quitter pour venir à Paris faire de la scène et de la radio. Tu commences sur une petite web radio Fréquence 3 avant de te lancer dans la scène en 2013, exactement le 4 février 2013. Pas mal. Grâce au comédien Jari qui t'a fait rencontrer beaucoup d'humoristes et notamment la responsable du Chinchaman. Le Chinchaman. Le Chinchaman. Le Chinchaman. C'est un restaurant chinois. C'est un restaurant japonais, ça. Petit plus sur toi, je sais que tu as toujours voulu jouer le rôle d'un loser au cinéma. Et maintenant, tu es sur RTL2. Je fais dans la vie, par contre. Et chaque matin sur RTL2, tu fais le double expresso. Exactement. Ah, pas mal. Moi, Jonathan, du coup, tu peux partir. Hein. Je pense qu'on a tout dit sur toi. J'ai tout dit sur toi. Anaëlle présente Max. Bah oui, Max, donc toi, tu as 34 ans, je l'ai dit tout à l'heure. C'est toi qui gères les réseaux sociaux de la matinale d'RTL2. Avec Greg et Justine, depuis environ 3 ans, t'as un parcours assez particulier parce qu'avant de faire de la radio, tu étais policier pendant 10 ans. Exactement. C'est impressionnant. T'es ensuite passé par Studek Web pendant 2 ans. Oui, oui. Et puis en stage chez Fun Radio. Et comment t'es arrivé chez RTL2? Eh ben, écoute, je suis passé par le périph. En fait, j'ai pris sorti porte-maillot et hop. Et voilà, et RTL2 était là. Et ça, c'est sympa comme réponse. Et ça, c'est cool comme réponse. Ça rend le smile. Ça donne la patate, ouais. Bon, Greg, comme je vous l'ai dit, n'a pas pu venir. Il a un empêchement, mais on a quand même une petite pensée pour lui. On va lui passer une de ses musiques préférées, The Eagle, avec Hotel California sur Studek Web. Thank you. The Eagles sur Studio Equeb avec Hotel California qui avait comme titre provisoire Mexican Reggae avant que l'écriture des paroles soit terminée. Voilà pour la petite info. Tous les jours dans Studio Borderline, on va débattre sur le sondage du jour. Hein. Je pense que celui-ci va en concerner plus d'un puisqu'il porte sur le téléphone portable. Donc, je pense qu'autour de la table, on en a tous un. Oui, en effet, voilà. On est des gens connectés. Alors Lucas, je t'écoute, dis-nous le sondage. Alors on va parler de Noël déjà parce qu'on est le 11 décembre, donc c'est un peu logique. Au repas de Noël surtout, car j'ai lu un sondage qui disait que 8 personnes sur 10 avouent utiliser son téléphone portable pendant le repas de Noël. Je propose déjà qu'on laisse réagir nos invités. Ouais. Est-ce que possible pour faire une petite photo de Noël. J'utilise le téléphone. Utilisez pas un petit peu. Vraiment être sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, Twitter, je dirais que etc. Moins que d'habitude. Ouais, un peu moins, ouais. Voilà. Tu prends la dinde en photo, ensuite ta belle-mère. C'est la même chose. Et après, tu remets le téléphone en off. Pas mal. Ouais. Moi, ça dépend. Le sondage est un peu ambigu parce que, bon, comme a dit Jonathan, prendre des photos, c'est normal. Non, c'est vraiment utiliser vraiment non. T'es dessus, genre sur internet, sociaux, tout checker, chatter, ouais, c'est pas tout. Fou de la conversation, t'es sur ton téléphone, là c'est chaud, avec tes potes, etc. Non, là c'est chaud. Là, j'aurais c'est pris une gifle, à mon avis. Ouais, hein. Je pense que c'est un truc de génération. Ouais. Nous, on est un peu plus âgés, je pense qu'on l'utilise peut-être moins que on vous. Est des anciens. Des fois, quand on parle politique à table, que les vieux parlent politique à table, on n'est pas très envie d'écouter. Après, moi, j'ai beau, je le sors, je regarde l'heure, je me fais défoncer en fait. Donc, mais bon, là, ça va parler des gilets jaunes. Tu veux j'appelle quelqu'un. Brigitte, je te filerai son numéro tout à l'heure. Petite Brigitte. Je on a déjà. Mis un sondage d'ailleurs sur Instagram, sur la story Instagram. Pour n'hésitez aller pas à aller voir la story. Et dans quelques instants, on prendra l'un d'entre vous. On prendra un auditeur, réagir. Bien sûr, pour réagir. Donc n'hésitez pas à réagir à notre sondage, la story Instagram de Studekweb, comme l'a très bien dit Lucas, pardon, ou en nous envoyant un message sur notre page Facebook de Studekweb. Jane avec Com, maintenant sur Studekweb. Blackburn, I'm so long without you, boy. Of actions, walking on the sky of my dreams. Come, come, my baby, come. I wish I knew the words. It ain't the end of the day. Come, come, my baby, come. I wish all for your nightmares. Till the end of the day. Come, come, my baby, come. I will love you forever. Till the end of the day. Come, come, my baby, come. I will not let you go. Oh, oh, oh, oh. My love, I just feel so lost without you, boy. I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Living in this jail of my mind. Come, come, my baby, come. I wish you the world. It ain't the end of the day. Come, come, my baby, come. I wish you all for your nightmares. It ain't the end of the day. Come, come, my baby, come. I will love you forever. Till the day. Come, come, my baby, come. Let you go. Jane sur Sudekweb qui entamera une série de concerts dans toute la France à partir du 1er mars 2019. Dans quelques minutes, je vais vous parler de notre jeu des poupées russes, mais maintenant, c'est le moment fatidique de l'émission avec le connaissez-vous vraiment votre binôme. Là. Alors, deux options. Soit ils se connaissent bien, soit ils font totalement semblant. Ouais. On va voir qui connaît mieux l'un et qui connaît mieux l'autre. Ah d'accord, ok. Avec c'est des un questions jeu. Un peu personnelles l'un sur l'autre. C'est un petit jeu. Vous êtes prêts? Allez, allez. Vas-y, on vous écoute. Avec Max, des questions donc sur Jonathan. Vas-y, je t'écoute. Alors, quel est le plat préféré de Jonathan? Les spaghettis bolognaises. Bah oui, non, j'en sais rien. Oh, les frites. Fou. sais pas. Non, mais c'est pas ce que dit. C'est juste. Ouais. Quel hasard. J'ai quelques infos. Ah, d'accord. T'as des contacts? Eh ouais. Comment s'appelle la toute première radio sur laquelle Jonathan était chroniqueur? La première radio, Attendez, est-ce qu'on compte les web radios? Ouais. Oui. Ah, je dirais Radio VL? Eh non, mon gars. Non. C'est Fréquence 3. Fréquence 3. On l'a dit tout à l'heure. J'ai pas écouté. Non, non. Quelle est la pointure de Jonathan? Je te l'ai mise au cul. 44. Pas loin. 3. 43. Ouais. Ah, j'ai entendu 34. Tu me dis, ça fait quand même petit. Ouais. Si Jonathan devait choisir, est-ce qu'il prendrait la scène ou le cinéma? Le cinoche ou la scène? La scénasse. Bah, je pense que c'est la scénasse, non? La scène. La scène. La scène. C'est la scénasse, il a raison. Est-ce qu'il préfère. Oh, c'est beau, brutal. Ouais. Est-ce qu'il préfère faire une soirée barbecue à la campagne en Santiago ou alors un dîner aux chandelles sur une péniche à Paris? Je pense qu'il préférait faire un dîner en Santiago sur une péniche à Paris. Toi, tu me connais. La totale. Toi et moi, on a compte juste. On compte juste. C'est génial. Allez, okay, on inverse un peu. Combien de fois Max a-t-il passé son permis avant de l'avoir? Combien de fois il a passé? Je sais pas. Une fois. Ouais. Oui. Pilote, bien sûr. Il était flic, le mec. Oui, il avait les contacts. Oui, on sait jamais. On ne sait jamais. Quelle est l'heure exacte à laquelle se réveille Max en semaine? Attends, parce que lui, c'est un escroc. Oui, clairement. Beaucoup plus tard que nous. 5h15. Non, mais exagère pas, sans déconner. Tu crois que je mets 5 minutes? 5h? Non. 4h50. 4h50 exactement. D'accord. Et sorti du lit 5h. C'est très intéressant. Ah, d'accord. Ça, c'est fou comme anecdote. Ouais, ouais. Et après, je me brosse les dents. Et ensuite, je vais prendre ma douche. Ouais. Et je commande un machin pour partir après. Avec le périph. Ouais. On a beaucoup de temps pour raconter ma vie ou pas? C'est trop. C'est superbe. La date de naissance exacte, de Max. Ah là, tu la connais. Il est Verseau. Oui, ouais. Ça oui. C'est pas la question en fait. C'est pas la question. Réfléchis bien. 19 février. Oh là là. On a une semaine d'écart, Jonathan. Ah, c'est 17. Ouais, et l'année? Il est né en 84. Ouais, c'est ça. Oh, bien. Allez, on compte juste. La série préférée de Max? Brooklyn Nine-Nine. Et pas du tout. Pas loin. Ah, si, parce que c'est une de mes préférées. Ah oui, okay. J'ai hésité. Tu m'as fait partager cette série. Ouais. Je te laisse répondre. Oh, I Met Your Mother. Ah, d'accord. Ok, et la petite dernière, quelle est la phrase que te soufflait Max quand tu faisais ton top 3, anciennement Le Monde, selon Jonathan O'Donnell, l'année dernière? Chie-toi bien dessus. Voilà. Bah, c'est une égalité parfaite. Ouais, 3 à 5 pour les deux. Ouais, ça va. Ça va. J'ai compté les points par contre. Non, mais t'as dit 3 à 5. Oui, 3 à 5. 3 sur 5. 3 sur 5. Ouais, ah, oui, ça ne voulait rien dire. Mais Lucas n'est pas très bon en maths. Non, donc, ni en français. Ni en français. Hein. Bon, ça va, ils se connaissent plutôt bien. On joue au jeu des poupées russes sur Sudekweb. Oh là là, moi dès que j'entends cette musique, je me vois en Russie avec une bouteille de vodka. C'est et tout. Fou. Mais attention, l'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé. Non. Mais jouez avec nous, ce n'est pas du tout dangereux. Le principe, vous devez choisir entre deux thèmes que Annel et Lucas vont vous présenter. Annel, ton moi, thème, s'il te plaît. Moi, ce sera les chaussures. Lucas, moi, c'est ton les thème. Animaux. Magnifique, on est parfait. Mais ce n'est pas avec eux que vous allez jouer. On va mettre à contribution nos invités, à savoir Max et Jonathan. Donc, si vous choisissez le thème d'Annel, vous jouerez avec Max. Et vous bossez quand, vous, les autres? Jamais. Et si vous choisissez Lucas, du coup, vous passerez avec Jonathan. Et pour participer, envoyez-nous un MP sur la page Facebook de Studekweb avec votre prénom, numéro de téléphone. Si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous passerez à l'antenne avec nous, vous choisirez entre deux thèmes, donc chaussures et animaux. Venez. Et jouerez, pardon, avec la douce voix de Max ou de Jonathan. Prénom, numéro de téléphone sur la page Facebook de Studekweb. Rendez-vous 15h50 pour jouer. Par amour, j'ai chanté mon frère. Par amour, j'ai changé quand même. Par amour. Youssoufa, ça arrive dans moins de 5 minutes. Vous allez maintenant savoir Jonathan. Mais avant ça, venez parler avec nous sur l'antenne de Studekweb en réagissant à notre sondage du jour avec notre compte Insta. On vous rappelle pour agir dans quelques minutes. Pour ça, un petit message sur la page FB de Studekweb. Nom, prénom, numéro de téléphone. On vous rappelle Youssoufa par amour. Ça débarque tout de suite dans la piste Studekweb. Restez connectés. Alors, test. Salut, c'est Fanny Agostini sur Studekweb. Bonjour, c'est Laurent Fontaine. Écoutez Studekweb. Studek. La web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur Studekweb. Bonjour, Jean-Claude Camus. Je suis sur Studekweb. Salut, c'est Pascal Gigot. Comme vous, j'écoute Studekweb. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Arschlossberg, le directeur du conservatoire d'Issy Moulineaux. Et vous êtes sur Studekweb. Tous vos artistes préférés sont sur Studekweb. Merci à vous. Merci. À très vite sur Studekweb. Ne bougez pas, on continue à se cultiver sur Studek Web. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même. Mon histoire est belle à explorer, et j'ai pas oublié l'île de Gorée. Y'a tout ce que j'ai haï, y'a tout ce que j'ai appris, y'a tout ce que je continue d'ignorer. J'ai porté l'argent comme un trophée, les bijoux, les thunes que j'ai coffrées. Délové, délové, j'suis mauvais, pourtant c'est l'amour qui m'a sauvé. Combien de temps à faire semblant, faudra nous accepter comme on est. Combien de temps à faire semblant, faudra nous accepter comme on est. Aïe, aïe, aïe. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même, quand même. Imani ma fille je vais rentrer, ton anniversaire que j'ai manqué. J'ai pas pu le suivre, j'ai pas pu le vivre, alors je tente au pire de le chanter. Tu sais même les pères peuvent se tromper, je cherche à te plaire, à te combler. Ta mère est un ange et c'est elle qui m'a changé quand tout le monde me regardait tomber. Combien de temps à faire semblant, faudra nous accepter comme on est. J'ai plus envie de faire semblant, faudra nous accepter comme on est. Oh yo yo, t'as la moine, oh yo yo. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même, quand même. Par amour. Quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères, par amour j'ai changé quand même, par amour j'ai suivi ma voix, parfois je me suis perdu quand même, quand même. Youssoupha, par amour sur Studek Web, extrait de son dernier album Polaroid Experience. C'est le moment de vous laisser la parole sur l'antenne de Studek Web. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages pour venir sur l'antenne avec nous de Borderline. Et c'est Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut, salut l'équipe. Salut Stéphanie. Stéphanie, bienvenue sur Studek Web. Alors tu nous viens de Nice, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Enfin, je suis pas de Nice à la base parce que j'ai pas l'accent. Oui. Mais actuellement j'habite à Nice, effectivement. Il fait beau là-bas? Oui, il fait ultra beau. Nous on a au moins 10 degrés et tout. Franchement, j'aimerais pas être. On t'a pas demandé de raconter ta vie, hein. Et donc tu es infirmière là, t'es au boulot là ou pas? Non, là je suis en repos aujourd'hui, mais effectivement, ouais, je suis infirmière. Okay. Et tout. Ok, d'accord. J'imagine que tu as un téléphone, comme tout le monde. Oui. Comme beaucoup de personnes en tout cas. Alors donc je te rappelle notre sondage du jour, c'est que 8 personnes sur 10 avouent utiliser leur téléphone pendant le repas de Noël. Alors, avant de te donner la parole, on fait un point sur le sondage Instagram avec Lucas. Et ben mon sondage était totalement vrai, puisque aussi sur Instagram, c'est 8 personnes sur 10, puisque 80% des gens utilisent leur téléphone portable ah ouais. à Noël. Bah écoute, c'est Stéphanie, super triste. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben, moi, je suis la première à utiliser mon téléphone, je vais pas vous mentir. Je voilà. sais que c'est pas bien, mais à un moment donné, voilà, les discussions d'adultes, comme on dit, c'est un peu relou. Voilà, les discussions politiques et tout, moi, ça me saoule, donc des fois, j'avoue, j'utilise mon téléphone. Ouais, mais Noël, c'est la famille, quoi. Ouais, mais justement, les discussions politiques à Noël. Oui, mais, bah non, oui. On pense à 19h en plus. C'est la magie de Noël, justement. Utilise la magie de Noël pour dévier cette discussion, pour parler d'autres choses. Je ouais. sais, mais écoutez, on est accro. Bah, voilà, viens faire Noël à la maison, et puis voilà. Jonathan est invité. Pourquoi pas, j'attends. Tu vas le passer où, Noël? Tu vas le fêter où? Bah, en famille, pour le coup. Oui, non, mais chez... En famille, je vais chez ma tante cette année, donc voilà, ça va être cool, ça va être sympa. Et puis, bah, si vous voulez, vous avez qu'à venir à Nice, il fait beau. Hein. Ah, on est invité. On arrive. On arrive, on est présent. Ça y est, on est en route là, on lâche l'antenne, on arrive. Allez. Bah écoute, tu penseras à nous pendant le repas de Noël en tout cas. Oui. Et fais-moi plaisir, sois pas trop sur ton téléphone portable. Tu nous envoies des photos si tu veux. Et allez, ça drague à l'antenne. Bon, Stéphanie, pardon. Je te dis à très vite et bon courage. Merci beaucoup, en tout cas, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Et vos invités aujourd'hui sont juste ouf, je les kiffe. Ah, c'est gentil. 06, Stéphanie. 63. Merci Stéphanie, n'oubliez pas de continuer à réagir au sondage en nous envoyant des messages privés sur la page Facebook ou sur le compte Insta. On va maintenant s'intéresser à Jonathan. Plus en détail. Exactement, on va faire un zoom sur toi Jonathan. Oula. Une interview sérieuse, hein. On rigole pas, là on est sérieux. Allez. Alors, comment tu as commencé la scène et la radio ? La radio, j'ai un copain qui avait intégré une émission sur Fréquence 3. Mmh. Et dans cette émission, il y a un mec qui est parti et j'ai chauffé mon pote pour me gratter un essai et l'essai s'est transformé à on te garde, voilà. Tu as piqué sa place alors. Non, ah, il est parti ça. J'ai piqué la place de l'autre qui est parti. Quand tu veux dire chauffer ton pote, ça veut dire quoi? Ah, j'ai bien fait. Je le frottais comme ça, okay. Comme un silex. C'est un peu bizarre. Hein. Et la scène du coup? Et la scène, ça c'est le rêve de gamin et mais je savais pas trop comment faire et en fait dans l'émission, nous recevait des humoristes et avec qui voilà, j'ai sympathisé dont Jarry et en fait Jarry, il a lu les textes que j'écrivais, mais que j'osais pas, faire sur scène. Il m'a présenté des gens, donc cette fameuse patronne de Comedy Club. Et puis un jour, je me suis lancé. Donc je me suis inscrit, fin décembre, je l'ai appelé. Elle m'a donné une date pour début février. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et du coup, si tu dois choisir entre la radio et la scène, du coup, c'est plus la scène. C'est quand même la scène. La scène, c'est vraiment le fil conducteur. Et la radio, c'est le petit kiff en plus. Radio, t'es donc sur RTL de tous les matins dans Double Expresso, où tu fais ton top 3, où tu revisites l'actu à ta manière. Une esthéticienne a échoué à un alcotest car ses lèvres au collagène étaient trop grosses pour souffler dans l'appareil. Impossible. Du coup, les policiers l'ont fait souffler dans le pot d'échappement. Où tu trouves l'inspi pour ces top 3? Tu écris toi-même? T'as des auteurs? C'est du génie. C'est simplement. Non, c'est un travail qu'on fait en équipe. Il y a des auteurs qui bossent avec nous à la radio et nous, on bosse l'après-midi ensemble. Moi, je récupère eux ce qu'ils m'ont proposé, moi ce que j'ai mis, et puis je fais une sélection. Je prends ce que je trouve vraiment le plus drôle, que ce soit moi qui l'ai écrit, que ce soit eux, que ce soit un truc reformulé. Il y a pas d'ego là-dessus, c'est ma vanne, c'est la leur ou quoi. On prend ce qu'il y a de plus drôle et puis le matin, on débrief ça avec Greg. Voilà, à 5h30, on débrief ça avec Greg et on retient vraiment ce qu'on préfère, le meilleur, et puis voilà, on envoie à l'antenne. Ok, côté spectacle, tu es donc tous les dimanches à 18h30 à la BO Saint-Martin. C'est au Théâtre Beau Saint-Martin. Au Théâtre Beau Saint-Martin, c'est pardon, ça. Où tu fais ton spectacle, donc cordialement. Tu sais quand c'est sérieux avec une fille, quand c'est plus toi qui décides comment tu t'habilles. Tous les mecs le savent, toi t'es là pour ta soirée, t'as mis ta meilleure tenue, elle en deux secondes elle te dit « Essaye avec ça, pour voir, tu vois, ça... » Ah, ça rend trop bien, ouais. En deux minutes, hein, t'as changé le haut, le bas, même de prénom elle t'a changé, hein, sans vous. T'appelleras Jason ce soir, ça fait stylé, j'aime bien. Ton spectacle raconte quoi donc? C'est ma vie. C'est ta vie. Ouais. Non, j'ai fait le choix de raconter, de faire quelque chose de très personnel, de raconter ma vie. Comme ça, normalement, je suis sûr que ce que moi je te raconte dans le spectacle, tu l'entendras nulle part ailleurs. À moins qu'il y ait un mec qui suive ma vie en permanence. Mais sinon, voilà, ce sont vraiment des anecdotes très personnelles. Et parfois des choses dont je n'ai jamais parlé à personne, mais que je raconte uniquement sur scène. Ben, j'ai envie de venir te voir. Je t'envoie le lien pour réserver, t'inquiète Allez, pas. Bien sûr. Bon bah écoute Jonathan, en tout cas, donc comme Lucas l'a dit, on te retrouve tous les dimanches soirs à 18h30. C'est ça. Au théâtre Beau Saint-Martin. Pour le mon spectacle. Lui c'est Jonathan de même. Tu m'as écouté Thomas. J'ai écouté dans quelques minutes, Lucas nous parlera des choses qu'après nous ne connaissons pas avec le Saviez-vous. C'est quoi les thèmes Lucas? Le thème du Le Saviez-vous? Oui. C'est Décathlon, 51 degrés et un fouet. Oula. Bon. D'accord. Et bah tu nous en reparles très vite. Pas de soucis. À 16h sur Studek Web, pendant que l'équipe de Studek Borderline sera à l'apéro, Pauline et Corentin et Valentin débarquent avec leur média, émission spéciale années 80, avec comme invité Olivier Kiefer. Au programme, un top 5 des films cultes des années 80, avec bien sûr plein d'interviews sur leur invité Olivier Kiefer. Retrouvez toute la team de Pauline pour leur média à 16h sur Studek Web. Alors préparez vos Walkman pour un retour dans les années 80 sur Studek Web. Important oui, de le noter. Bien sûr. Soyez là, 16h. Studek Web, il est 15h30. Studek Web, les infos. Le résumé de l'information présenté par Guillaume Vérec. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 50-50, Emmanuel Macron a convaincu 50% des Français hier soir lors de son allocation suivie par près de 23 millions de téléspectateurs. Le chef de l'État a annoncé l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités dont les revenus sont inférieurs à 2000 euros. Une hausse du SMIC de 100 euros qui se traduit en partie par une augmentation de la prime d'activité. Et enfin, une suppression de la fiscalité sur les heures supplémentaires dans le privé comme dans le public. Alors, les gilets jaunes sont-ils satisfaits? Non, à en croire les manifestants, toujours présents sur les ronds-points en France. Pour certains, le président a lâché quelques miettes selon les dires des gilets jaunes, toujours en colère. L'une des porte-paroles du mouvement, Jacqueline Moureau, appelle à une trêve. On ne peut pas passer notre vie sur ces ronds-points, a-t-elle déclaré. Et selon un sondage OpinionWay, 54% des Français sont favorables à la fin du mouvement des gilets jaunes. De son côté, le gouvernement souhaite aller plus vite pour désamorcer une nouvelle éventuelle journée de manifestation samedi. Édouard Philippe est en ce moment même face à l'Assemblée nationale. Objectif présenté dans les détails les mesures annoncées par le président hier soir, notamment le financement des 100 euros supplémentaires du SMIC. Emmanuel Macron, quant à lui, recevra ce soir les députés et sénateurs de La République En Marche. Avec eux, il reviendra sur ses déclarations, mais aussi sur la grande concertation nationale qui débutera la semaine prochaine. Et chez l'opposition, ces annonces n'ont pas séduite le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Insoumis se sont accordés pour déposer cet après-midi une motion de censure contre le gouvernement. Si le Parlement approuve à la majorité la motion, le gouvernement devra démissionner comme le stipule la loi. On en est toutefois très loin, la gauche n'est représentée que par 62 parlementaires contre 309 sièges. La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et après le Black Friday des magasins, le Mardi Noir des lycéens, 170 établissements étaient perturbés ce matin selon le ministère de l'Éducation nationale. Les futurs étudiants souhaitent la suppression de la réforme du bac qui verra le jour en 2021. Des heurts ont éclaté en Seine-Saint-Denis avec des forces de l'ordre ce matin. Un lycéen a été touché à la tête et transporté à l'hôpital. Un autre lycéen lyonnais a quant à lui été blessé à l'œil la semaine dernière. Ses parents ont porté plainte contre les forces de l'ordre pour violence volontaire. L'avocat de la famille a affirmé que le jeune homme risque à 90% de perdre son œil. Et à l'international, toujours pas d'accord sur le Brexit. La première ministre Theresa May rencontre aujourd'hui des dirigeants européens avec qui elle essaie d'obtenir des concessions. Hier, elle avait décidé de reporter le vote du Parlement sur l'accord du Brexit initialement prévu aujourd'hui. Alors pourquoi ce report? Eh bien, la défaite était assurée. Le vote est maintenant programmé au 21 janvier prochain. La date du Brexit, quant à elle, n'a pas été modifiée. Divorce prévu le 29 mars 2019. Il est 15h33 sur Studek Web. Vous retrouvez Thomas, Lucas et Anaël. C'est Studek Borderline. Merci Guillaume. Retour de l'info à 16h. C'est Borderline sur Studek Web. De retour dans Studek Borderline dans cette émission un peu spéciale avec toi. Quelle ambiance, j'adore. Toujours plus fort. Oh, j'écoute tous les jours, j'adore. Donc Maxime Deschek. Oui, c'est ça, ouais. Deschek. Il m'a perturbé. Donc Community Manager. Yeah. Yeah. Oh my god. Et son acolyte, si je puis dire, Jonathan O'Donnell. Son responsable. Humoriste. Doucement. N'hésitez pas donc à continuer de réagir à l'émission sur la page Facebook de Studek Web. Dans un instant, on va questionner nos invités à propos de nous, l'équipe. Oui. Lucas, Anaël ou moi-même. Il ne vous reste plus que 20 minutes aussi à peine pour vous inscrire à notre jeu des poupées russes, à gagner un pack Studek Web avec de nombreux cadeaux et la visite des studios. Envoyez votre prénom et numéro de téléphone par message sur notre page Facebook dès maintenant. Pour rappel, les deux thèmes aujourd'hui sont chaussures et animaux. Les poupées russes arrivent à 15h50 dans Studek Web. Borderline, Lucas nous parle de long, saviez-vous, après Lowe's Missing You sur Studek Web. I'm braving the night cause I can't sleep. Thinking about you, or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know. Whisper after the song. I keep missing you too much. We'll be right back. told me to be stable and live without you, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Borderline avec nos deux invités Maxime et Jonathan. Le saviez-vous ? Studekweb vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studek Borderline, vous vous coucherez moins bête. Bon. Les dauphins sont des violeurs ? Rien qu'avec le générique, t'as appris des trucs, j'en suis sûr. Ah ouais ? Bon bah c'est bon, on arrête la chronique. Hein. On arrête là. Tu peux passer à la suite. Tous les jours donc c'est notre rendez-vous dans ce avec Borderline. On vous chope des infos que a priori vous ne savez pas. Sinon c'est que Lucas, tu t'es bien foutu de nous. Non, je pense que ça vous ne le savez pas. Est-ce que vous connaissez tous ça? Jonathan connaît. Sponsorisé par Decathlon, Jonathan. Ouais, c'est ça. C'est Decathlon, exactement. Le générique de Decathlon est dans le même état d'esprit. Est-ce que vous connaissez ça? Mais c'est un truc chaudard un peu. Oui. Il a l'air de connaître aussi Jonathan. Tu connais, Canal Plus. Non. Normal Gard. C'est une saga. Saga, ouais. De comme film. Harry Potter, mais en sexuel. Ou, ça n'a aucun rapport. C'est un autre type de baguette. D'accord. Excellent. Tu l'as pas ? 50 degrés. Ah, 50, d'accord, ok. Non, je les ai pas vus. Et encore. C'est un fouet. Vous c'est allez me dire que tous ces extraits n'ont aucun rapport, sauf les deux derniers. Et vous avez totalement raison, mais c'est juste qu'on a eu des chiffres. Et depuis la sortie de 50 nuances degrés, la vente de cravaches a augmenté chez Decathlon. Et je doute fort que les gens soient subitement intéressés par une passion pour l'équitation. Moi j'étais au courant de tout ça, personnellement. Ah, t'étais au courant voilà. Je t'avais pas appris quelque chose? Non, désolé. Tu as plus appris avec le générique du coup. On ne te demandera échoué. Pas pourquoi tu le sais. Bah, ouais, on ne demandera pas. Il fait peut-être parce qu'il est sponsorisé par Decathlon. Voilà. Et moi j'ai grandi. Alors sachez-le, j'ai grandi à Chantilly. Chez Decathlon. À Chantilly, dans la ville du cheval. Donc forcément, tout ce qui touche à la cravache. Quoi, t'es assez passionné. C'est ton dada. Hein. Chantilly, je pense à la bouffe, moi personnellement, pas au cheval, mais à la crème. À la crème Chantilly. À la crème Chantilly. On va maintenant tester donc les connaissances de détective de Max et Jonathan. Le principe. Donc écoutez bien, je vous propose une anecdote, une histoire vraie. Vas-y. Et vous devez tenter de deviner qui est de, enfin qui de nous trois est derrière tout ça. D'accord, ok. Ok. C'est que du vrai, hein. C'est que du vrai. C'est que du vrai. Ouais. Vous avez bien compris le principe? Ouais, j'ai compris. Trois anecdotes, on doit trouver à qui appartient l'anecdote. Envoyez. C'est parti. Ok. Donc la première. En voulant récupérer un ballon dans une bouche d'égout, je suis tombé dedans et j'ai fait une chute de 3 mètres. 3 mètres ? Celui là. T'en as encore sur la tête. Exactement. Regarde, il y a encore un peu d'urine sur la tête. C'est ça, mais ça, parce que ça se voit que t'es à casse-cou. Ça se voit que t'as peur ouais, de c'est rien. Toi, c'est toi. C'est moi. Ouais. C'est lui. J'ai voulu mettre une échasse, mais j'ai pas réussi. C'est bien lui, effectivement. Enfant, j'ai fait pipi sur le toboggan pour glisser plus vite. Ah, bah Annette, je pense qu'elle le fait dans les escaliers. Elle l'a fait dans les escaliers à la radio, donc je pense que c'est toi. C'est vrai ? Vous pensez que c'est moi ? Bah oui. Non, enfin, je suis pas vexé. Non, parce que c'est plus compliqué pour une fille de faire pipi comme ça sur un toboggan. Lui, peut-être à l'aise, tranquille, se dit allez, hop, j'arrose le tout et je grimpe et je glisse. Tu penses que c'est le coup d'un garçon, ça ? Ouais, moi je pense que c'est un truc de mec. Bon allez, je t'écoute. Je veux pas humilier Anaël. Bah, il a un bon raisonnement. C'est vrai que pour une fille, c'est plus galère. Donc oui, effectivement, c'est moi. Voilà. J'ai honte, mais pour me défendre, ça marche vraiment bien. Vraiment. Ah, voilà. Ça te défend pas du tout, Thomas. Écoutez. Donc troisième anecdote. Alors que mon cousin essayait de m'apprendre à nager, il s'est mis à draguer une fille dans la piscine et j'ai failli me noyer. Qui est-ce? Ah bah là, du coup, j'imagine. Hein, par déduction, que c'est Anaël. Et non. Pas toi. On n'est pas assez bêtes. Ah, vous pensez. Le piège. Alors redis l'anecdote. Vas-y. Pardon. Alors que mon cousin essayait de m'apprendre à nager, il s'est mis à draguer une fille dans la piscine et j'ai failli me noyer. C'est encore lui, il s'est noyé. C'est sûr. Dans la bouche d'égout, il s'est noyé celui-là. Exactement. C'est ça en plus. C'est moi. Ensuite, enfant, je récupérais les pourboires sur les tables des, j'ai honte, des bars parce que je pensais que les gens avaient oublié leur argent. T'es de Bretagne, Anaël? Oui. Fréquenter les bars, c'est breton. Je pense que ça peut être toi. Oui. C'est toi? C'est moi. Puis un jour, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour moi l'argent. Donc je l'ai laissé, mais voilà. J'ai fait ça longtemps. Hein. Tu me dégoûtes. T'as fait ça longtemps? J'ai fait ça longtemps. T'as gagné combien? T'étais compte un peu? Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai donné à mes parents. Que tu l'as donné à tes parents? Ouais, t'es généreuse en plus. Je crois que ça se paye comment, une école de radio? Ouais, ça tombe du ciel comme ça. Je suis resté coincé au milieu d'une tyrolienne en maillot de bain, trop petit pour moi, 15 mètres au-dessus d'un parc aquatique. Le maillot de bain, c'est le maillot de bain qui était trop petit pour toi? Oui. D'accord, ok. Ça pourrait être encore lui, hein. Ouais. Tyrolienne, maillot de bain. Non, pour une fois, c'est pas moi. Bon, c'est le pisseur alors. Ouais. Non, c'est pas moi. Non, c'est Anaël. C'est toi. La honte. Ouais, c'était terrible. Je suis restée coincée. Il y a tout le monde qui me regardait en dessous. Et j'étais en slip de bain. Quand tu reverrais, je merveilleux. Version aquatique. En plus, t'avais 18 ans. C'était il y a pas longtemps. Ouais. C'était horrible. T'as des photos? Non. Ah, merde. On les aura mis sur le Facebook de la radio. Une petite dernière. Lors de l'entretien pour mon collège, j'ai dit que ma motivation principale était la cantine. Alors attendez, on va s'arrêter tout de suite. Qui passe des entretiens pour entrer au collège? Ça sort d'où? Tu vas à Poudlard? Tu vas où? Et qui aime manger à la cantine aussi? La cantine du collège. Alors personne. Moi, personnellement, au lycée, j'aimais bien la cantine. Il y a des bonnes cantines, faut arrêter les clichés quoi. Ouais, les faux spéculos, on en a eu marre. Hein. Si t'es joueur, c'est toi quand même. Oui, c'est moi. Ah oui, quand même, à un moment donné, tu peux pas balancer que sur E2. Ouais, non, c'est donc moi, la cantine du collège. C'est quoi ce collège? Oh, c'était un collège Marie, c'était le truc très croyant, il y avait un entretien. Mais au moins, tout le monde a rigolé au moins pour l'entretien. Ah oui, j'ai eu honte, mais tout le monde a rigolé. Est-ce que c'était bon au moins la cantine? Est-ce que t'as été pris au collège? Ouais, aussi. J'ai été pris. Et la cantine était pas trop mal, ouais. Et t'as pas été déçu? Bon, on me dit dans l'oreillette que le sujet cantine était. C'était bon. Bon, ça va, ils sont pas trop bien débrouillés. Ça va. Bravo. Ils sont forts. 15h, 16h, c'est Borderline sur StudioQueb. C'est bientôt Noël, Anaël, et tu te voilà ravi et tu as des choses à nous dire. Et oui, les garçons, Noël arrive. Ah oui, Noël, cette période conviviale de partage et de bonne humeur, n'est-ce pas le moment parfait pour célébrer la paix et retrouver les cousins qu'on n'aime pas? Justement, en parlant de famille, aujourd'hui j'ai envie de vous dresser un portrait de la mienne, dont je suis la petite dernière. Alors on va commencer par mon papa, François, pour les intimes. L'autre jour, la machine à laver était pleine et il m'a demandé de mettre le linge à sécher sur le Tankerville. Alors très bien, pas de souci, hein, mais une question me taraude, pourquoi appelle-t-on les séchoirs des Tankerville? Bon, moi je vous le dis directement, si vous êtes occupé, ne posez pas la question à François. Parce qu'au lieu de simplement me dire, parce que c'est la forme du pont de Tankerville en Normandie, il s'est assis, a croisé les genoux, et m'a dit... Tu sais, Anaël, tout a commencé en 1931. Tes grands-parents ne s'étaient pas rencontrés et les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Les agglomérations de Marais-Vernier et Tankerville en Normandie cherchaient un moyen de se rejoindre. C'est là qu'est née l'idée de créer un pont-route entre les deux. Bon, alors forcément, ils sont pas cons les mecs. Bon, je vous fais pas le discours en entier parce que ça a duré 3/4 d'heure et que ça lui... Ton père c'est Stéphane Bern en fait. Ça pourrait lui valoir des ennuis avec la justice, hein, je vous cache pas. Mais l'avantage c'est que le linge a eu le temps de sécher directement dans la machine. On reste dans les tâches ménagères, hein, pour parler de Brigitte, ma maman. Un jour, il y a des années, j'avais spontanément proposé de faire la vaisselle. Grosse erreur, ne faites jamais ça. Puisque désormais, lorsqu'elle demande qui veut laver les casseroles et que tout le monde baisse naturellement les yeux, ça se termine toujours comme ça. Bah tiens Anaël, vas-y toi qui adore faire la vaisselle. Alors, moi qui adore faire la vaisselle... Ah oui, pardon, j'avais oublié, la vaisselle, c'est mon truc. Allez, j'arrête la radio, je me consacre à la plonge. Bon, vous savez quoi? Moi, c'est la vaisselle, ma sœur, c'est remuer la salade. Je vous le dis en exclu, on se tâte à ouvrir un courte paille sur l'air d'auto. En parlant de ma sœur, Chloé, je l'adore, hein, mais quand tu lui demandes un avis sur ta tenue ou ton look, elle t'en dit toujours plus que ce que t'as envie d'entendre. Même quand tu ne demandes pas d'avis, finalement. Un jour, j'avais passé une heure à me préparer pour une soirée. Je suis descendue toute pimpante dans le salon et elle m'a sorti. Oula, ça fait rideau. Ça m'a fait mal, hein. Surtout qu'elle parlait de ma coupe de cheveux. Ah donc, bah finalement, je suis pas sortie, j'avais un peu la flemme. Voilà. Finissons avec mon grand frère Thomas. Plus jeune, Thomas était un garçon lumineux, solaire, blond comme les blés, avec le sourire. Mais ce caractère d'ange s'est volatilisé il y a quelques années. Depuis, voilà, ces trois mots fétiches, c'est de la merde. Tout est nul, rien n'est bien. Voilà un exemple. Lucas, tiens, tu vas te mettre dans la peau de mon frère. T'es prêt? Je suis prêt. Que penses-tu de la saga Hunger Games? C'est de la merde. Voilà, c'est fou comme tu arrives à capter la sensibilité du personnage. Hein. Comme quoi, le rôle de Samir en slip de bain dans une série France 3, tu l'as pas eu par hasard, celui-là. Je pense avoir fait le tour de ma famille. Ah bah non, il y a mon chien, mais bon, comme mes parents le confondent avec moi, bah vous l'avez en face de vous. Ok, bravo. Donne la patte, Annel, donne la patte. Dis donc. Bah écoute, Annel, on a hâte d'avoir ton débrief du repas de Noël. À mon avis, ça ne va pas être triste. Ça va pas être triste, ouais. Plus que 5 minutes avant que l'on joue ensemble au jeu des poupées russes. Donc plus que quelques minutes pour vous inscrire par message sur notre page Facebook de StudioQueb en envoyant votre prénom et votre numéro de téléphone. Vous affronterez soit Max, soit Jonathan. La musique est toujours présente dans Borderline. The Bengals avec Walk Like an Egyptian arrive. Bah tu l'as bien dit, hein. Bravo. Eh, t'as vu? Sans Walk Like an Egyptian. Il y a aussi Sia avec son titre Sing for my life. Pauline va tranquillement nous rejoindre en studio. On lui prépare une petite surprise avec le serment d'hypocrite dans 5 petites minutes. Et on s'intéressera à Max, l'interview. Les meilleurs tubes sont sur StudioQueb. Luis Fonsi et Demi Lovato. Sophie Tucker. Une école, une radio et vous. Quinze heures, 16 heures, c'est Borderline sur StudioQueb. Studek Web, The Bangles avec Walk Like an Egyptian. Anaël, tu vas maintenant nous présenter plus en... Enfin, nous présenter... Non, nous parler plus en détail de Max. Oui, alors, on le rappelle, tu es le community manager de la matinale d'RTL 2. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Et t'es arrivé, du coup, il y a 3 ans. Et en fait, depuis... Enfin... Je sais pas comment parler. Exprime-toi, vas-y. De plus en plus, t'arrives de plus en plus à avoir ta place à l'antenne. Ouais. Comment ça s'est fait en fait? Par la violence. Exactement. Jonathan, regarde, regarde son épaule est bleue. Non, alors comment ça s'est passé? Bah, j'ai commencé comme tu l'as dit, donc en tant que community manager. Mm-hmm. Au fil des années, voilà, j'ai proposé des choses, notamment un jeu le matin, voilà. Qui évolue de jour en jour. Et même au-delà de ça, je fais aussi des interviews maintenant. J'étais il y a pas longtemps à Londres. Ouais. Pour Bohemian Rhapsody, exactement. Ouais. J'ai fait le championnat du monde du pull moche encore la semaine dernière. Et oui, ça ne s'invente pas. C'était j'étais membre du jury. Oui. Donc voilà, donc au fur et à mesure, ma toile se tisse. Ça, c'est beau. Ouais. On a vu que tu aimais bien aussi faire des petites stories avec tes stagiaires. Et récemment, c'était les covers de l'ascenseur. Ah, qu'est-ce qu'on va chercher comme tous les matins? C'est le petit déj. C'est le petit déj. Ah, qu'est-ce qu'on va chercher comme tous les matins? C'est le petit déjeuner viennoiserie avec du pain. C'était alors, pas, ça devait pas passer à l'antenne, non? Eh oui, mince. Alors, en fait, pour tout t'expliquer, c'est toi et moi. C'est dans vrai. Ces, ah oui, dans cette mais petite vidéo. Ouais, on a travaillé ensemble, Maxime. Ouais, je sais pas si tu te j'adore, souviens. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que c'est, les covers de l'ascenseur? Eh ben, en fait, tous les matins, donc, on allait chercher le petit déj aux alentours de 7h, voilà. Donc, tu m'accompagnais, je t'accompagnais. Et donc, sympa. Dans l'ascenseur, un matin, on a commencé à chanter. On s'est vachement accessoirisé au fur et à mesure, perruques, lunettes. Et donc tous les matins, nous chantons un hymne dédié au petit déjeuner. Au petit déjeuner avec, avec une chanson connue, voilà, connue que l'on nous remixons. Voilà. Avec des baguettes de pain entre les mains. Et c'est historique qui est très attendu. Ouais, qui sur très RTL, attendu à l'époque. RTL 2, Fun Radio, les gens nous en parlent. Voilà. Voilà. Et alors, il y a un grand drame qui bouleverse ta vie à RTL 2. Jonathan, tu pourras nous le dire. Il y a une star qui vient tous les jours à 6h50 qui s'appelle Springsteen. Ouais. Et tu n'as jamais réussi à la croiser. Je n'ai jamais réussi à la croiser. Alors je ne sais pas pourquoi. Je sors à ce moment-là de studio. Bon, j'ai mes petits besoins personnels à faire, les petites habitudes de pépère. Et cette personne apparemment qui s'appelle Bruce Springsteen vient tous les matins. Et Jonathan, toi, tu l'as croisé régulièrement? Moi, je le croise. Une personne ô combien sympathique. Très et sympa. Vient, moi aussi, je l'avais croisé, Bruce. Ouais. Qui fait son jeu et qui repart dans la foulée parce que c'est quelqu'un de voilà très pressé, qui a beaucoup de choses à faire. Et c'est pile le moment où Max n'est pas dans le studio. Et son jeu, donc, c'est apparemment le tube de la brosse à dents. Voilà. Donc, le but du jeu, il se brosse les dents en chantant et les auditeurs doivent trouver la chanson. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que vraiment que tu arriveras à le croiser. J'aimerais bien que quelqu'un fasse une photo de lui déjà. J'en avais une, je te la verrai si tu veux. J'ai son plaisir. Numéro aussi, je te filerai son numéro. 06. Écoute, on essaiera de le rencontrer pour Merci beaucoup. Mais de rien. Mallory, une petite musique pour vous mettre en piste. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. On se fait littéralement envahir par des dizaines et des dizaines de messages et c'est tant mieux. Merci d'avoir été aussi nombreux à tenter votre chance et c'est Christine qui va jouer au jeu des poupées russes avec nous. Salut Christine. Salut, salut tout le monde. Salut Christine. J'ai cru qu'elle allait se prendre un gros vent. Christine, tu nous viens d'Aix-en-Provence, c'est bien ça, et tu es hôtesse de l'air. Eh ben exactement, ouais, t'as tout dit. Eh ben voilà, magnifique. Bon bah salut. Bonne journée. Ciao, allez. Alors je te rappelle le concept du jeu. Donc Anaël et Lucas ont chacun un thème. Tu dois simplement choisir entre le thème, à savoir chaussures ou animaux. Ou animaux. Je vais choisir chaussures. Oh, très bien, bon, c'est moi. Tu joueras avec Anaël, mais donc avec Max. Alors Max, en gros, je te dis le thème chaussures. D'accord. Il y a un sous-thème. Et là, le sous-thème, c'est tu dois me donner 8 types de chaussures différents. D'accord. Est-ce que t'es prêt? Oh, c'est dur. 8 types de chaussures. Ouais. Et si tu réussis, Christine remporte un pack Studek Web. Donc on dit c'est archi facile. Alors, ah ouais, faut y aller, pas de marque, hein, on est d'accord. Des types de chaussures. Des types de chaussures. Ouais, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Alors des tongs, des sandalettes, des espadrilles, des chaussons, des baskets, des chaussures de randonnée, des palmes, des bottes. Oui, bah c'est bon, t'en as 8. Ouais. Bon bah c'est gagné pour toi, hein. Trop bien. T'as l'air complètement. Gros budget. Non, c'est ça le jingle. Enfin le jingle. Les voix me faisaient rire. Bah écoute Christine, donc tu repars avec ton pack Studek Web, des goodies, il y a quoi dedans? Un stylo, le visite des locaux. Mais pour passer la porte d'entrée, faut une bouteille par contre. Ah d'accord. Non, je plaisante, tu viens nous voir quand tu veux, sans rien, y a pas de soucis. Super, merci. On te fait plein de bisous. Allez, on est fous et bon courage pour le prochain vol, hôtesse de l'air. Oui, c'est le principe apparemment. Allez, salut Christine. Salut. À très vite. Salut Pauline qui vient de s'installer. Salut, de l'équipe L'Heure Média. Oui, exactement. Bon, Pauline, on t'avait prévu un petit truc. Oui. Mais j'ai peur à chaque fois, comme je te dis. Ouais, mais. Mais non. On va le faire. En fait, on n'a pas le temps, tu vois. On n'a pas le temps, du coup on va le faire. Bah dis-le pas alors. Mais... Du coup tu... Enfin, on va le très vite le faire, très vite le faire. Dis-moi. Jonathan, tu peux, est-ce que faire très vite ton serment, mais très très vite. De quoi? Tu nous donnes très vite ton anecdote. Ah, une anecdote. Vas-y, dis-moi. J'ai été pris en autostop par des Kaira. Ouais. Et le conducteur, il avait pas le permis. T'as l'air très sûr de toi en tout cas. Voilà, je te donne l'info. Très bien. Dommage. Et toi, Jean-Denis aussi. Très rapide. Alors, il y a pas longtemps, j'ai fait un enterrement de vie de garçon en Bulgarie. Donc, on a fait un saut à l'élastique en direct, donc d'un pont d'autoroute. Sauf qu'en Bulgarie, il y a une particularité, c'est qu'il t'accroche l'élastique au niveau de la nuque. Ah oui, donc, j'étais un peu flippé. Mais heureusement, j'étais avec des potes médecins, donc il s'est rien passé et tout s'est bien passé. Je suis là aujourd'hui. Alors, Pauline, laquelle est la vraie? Ah, c'est compliqué. Très vite, très vite. Ah, elle connaît pas les prénoms. Jean-Michel et Eric. Jonathan et Max. Max, du coup. Je pense que très c'est... vite, s'il te plaît, Pauline. Max, ah, Max. Bah, elle a dit Max. Max, bah non. Et il faut m'écouter. La vraie, c'est Jonathan. Ah, non, c'est moi. Donc, tu vas devoir tirer l'intro de 6 à 19 secondes avec la langue entre les dents. Voilà. Comme ça. Bon courage. En attendant, donc, Studio Borderline, ça revient demain à 15h avec au programme l'actu des spectacles fait par mon Lucas. Elle nous parlera de musique pop-rock. Merci d'avoir été là, nos invités. Merci. Avec plaisir, merci Jonathan, à toi pour l'invitation. Merci, mais de rien. Merci d'avoir été là. Bah, puis on se retrouve pour ton spectacle cordialement et on laisse place et à moi, on me retrouve pour avec rien. Pauline. Exact. Si, sur RTL2 tous les matins pour le double expresso. Ça va être très dur comme ça.